C'est Sébastien de Waterloo qui a remporté la compilation ce rétro, double compilation mixée par HS, dont l'un s'est démixé et puis l'autre avec les versions longues. Et puis on vous rappelle qu'il y en aura d'autres encore, rassurez-vous. 20h justement, si vous avez perdu ces compilations, eh bien on vous propose justement de vous rattraper en vous projetant dans l'ambiance du 28 juin. C'était à la So Rétro et ça c'était le set de Luc qui avait démarré à partir de 1h du matin. Ambiance. Galaxy out of time. Live. Galaxy Live. Thank you. Sexy Live. Galaxy Live. Galaxy Live. Galaxy avec un instant, Galaxy Live, le mix de l'Escape Concept, c'était le 28 juin dernier, lors de la soirée trop. Sachez qu'il y a eu une compilation qui est sortie justement à l'occasion de cette soirée, et elle est bien sûr disponible sur Trotskier, et si vous écoutez Galaxy, vous aurez certainement l'occasion, peut-être, on l'espère pour vous en tout cas, de la remporter. Prochain rendez-vous avec cette ambiance, eh bien écoutez, c'est pas plus tard que demain soir, même heure, même fréquence, 20h, 21h sur 95.3. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter sur le net live .galaxyfm.com. Et demain soir, ce sera le mix de Néon qui avait fait la première partie de soirée entre 23h et 1h du matin, si j'ai bonne mémoire, ou vers minuit et demi. En tout cas, donc, vers minuit, voilà, c'était 23h, minuit. Et ce sera donc Néon pour un mix rétro, tout aussi qualitatif que ce que vous venez d'entendre à l'instant. Et ce sera uniquement sur la fréquence de Galaxy. Sinon, la suite de la musique, c'est avec Nicolas pour l'émission Trip in Progress, 171e. Épisode ce soir sous Galaxy jusqu'à 23h. Juste derrière, ce sera Romuald pour l'émission Chick House. Bonne soirée à toutes et tous. Galaxy, out of time.